pied du pont de Brooklyn buvait d'anciennes Marilyn, de vieilles femmes. Je serai fort, je serai prendre un bon départ, l'amour est bien mort. Tu m'as...

Vous écoutez Mona FM, la chanson populaire. Star, maman, papa.

chanson populaire. Mona FM. Bulle de chagrin, boule à serre. is don't realize you've never been there before. It's only your first time. Maybe I'll give you, maybe you'll try. We shouldn't be happy together. Reconnu.

Mona FM, il est minuit. Bonjour, c'est Marc Lavoine sur Mona FM. Elle n'était pas ma voisine, elle vivait dans les collines là. We'll be right back.